Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Léon Trotsky et la Révolution russe. Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher l'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Léon Trotsky parlant en français probablement au début des années 30. Je dis probablement parce qu'on ne sait pas vraiment. Ce document que vous entendez est un document très, très rare qui a été présenté au journal télévisé de TF1 en France le 7 novembre 1979, jour du 100e anniversaire de naissance de Trotsky. S'intéresser à la vie de Trotsky, c'est s'intéresser à l'émergence des idées révolutionnaires dans cette Russie tsariste de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais c'est aussi s'intéresser aux luttes intestines de ce même mouvement révolutionnaire russe qui conduiront à l'exil, puis à l'assassinat de Trotsky. Il y a plusieurs Trotsky. Oui. Il y a le Trotsky de 1902 à 1914, c'est-à-dire jusqu'à la déclaration de guerre, qui n'est pas bolchevique et qui n'est pas menchevique. Et il y a le Trotsky de la période 1914 à 1923, qui est le Trotsky léniniste, qui participe activement avec Lénine à la direction de la révolution soviétique. Et puis alors, il y a le Trotsky de la période qui commence en 1924, un Trotsky qui n'a plus, sans aucun doute, l'appui sûr et le conseil éclairé qu'il avait dans Lénine. Il avait toutes les dimensions qu'appelaient ses fonctions. L'intelligence, l'énergie, l'opiniâtreté et le courage, la culture générale, la science militaire qu'il a acquis au service de la Révolution et dans la Révolution, et dans la vie pratique, un humour, une simplicité, un accueil ouvert au moindre des militants. C'était une personnalité très grande et hautement attachante. Les historiens Jean Ellenstein et Gérard Rosenthal à l'émission française Apostrophe en 1975 pour nous raconter le parcours exceptionnel de Léon Trotsky. Je reçois l'historien André Champagne, collaborateur régulier de l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Quelle importance il a, Trotsky, dans l'histoire de la Révolution russe? Comment on le situe, par exemple, allons-y tout de suite, par rapport à un Lénine ou un Staline? C'est le génie qui a créé, à partir de rien, l'armée rouge, qui a permis au pouvoir bolchévique de remporter la guerre civile et de faire en sorte que cette révolution dite prolétarienne a pu vraiment s'imposer. Celui qui s'est rallié à Lénine et qui aura été chassé par Staline. Pour des raisons assez évidentes, c'était un homme qui était imbu de sa personne. C'était un excellent communicateur, c'était un grand tribun. Il se croyait comme le successeur naturel de Lénine et il n'a pas compris les mécanismes du parti, il n'a pas compris l'importance qu'avait Staline en tant que secrétaire général du parti. Il n'a pas compris que Staline, à ce poste-là, pouvait contrôler les nominations et c'est vraiment se faire une clientèle qui lui était totalement dévouée et au moment opportun, écarter Trotsky. Ça, on y reviendra parce que ces dix dernières années de vie, il va les passer en exil avec une fin assez tragique sur laquelle on va revenir. Mais commençons par le commencement. Au départ, vraiment, il est issu de la bourgeoisie paysanne. Rien ne le prédestine, André Champagne, à épouser les idées révolutionnaires. Pas du tout. Alors, premièrement, il est né à Yanovka, dans la province de Kherson, en Ukraine, dans une famille juive. Son père était un paysan aisé. Sa mère était une femme éduquée. Et puis ses parents souhaitaient qu'il fasse des études universitaires et puis qu'il devienne quelqu'un de distingué. Mais à l'âge de 17 ans, il est fasciné par les idées révolutionnaires. Il commence à lire les ouvrages marxistes. Il est également tenté par le mouvement populiste, c'est-à-dire ces révolutionnaires qui pensaient que l'avenir du mouvement révolutionnaire en Russie reposait sur la paysannerie. Et puis finalement, c'est la rencontre d'une femme, Alexandra, le Vona Sokolsky, qui va devenir sa première épouse, qui, elle, est une révolutionnaire marxiste authentique qui lui fait comprendre que l'avenir du mouvement révolutionnaire, ce sont les idées marxistes. C'est là que ça commence. Ouais. Autre rencontre importante, évidemment, celle de Lénine. Cette fois-là, on est à Londres. Comment ça se passe, la rencontre entre les deux hommes? Alors, nous sommes en 1902. Il a été arrêté pour activité révolutionnaire. Il avait été condamné à 4 ans de relégation en Sibérie, mais il a réussi à s'enfuir. Il est passé à l'étranger. Il s'est retrouvé à Londres. Et là, il a rencontré Lénine, qui, lui, était à la tête du mouvement social-démocrate et qui venait de publier un ouvrage qui va faire école, qui s'appelle « Que faire », dans lequel il exposait sa théorie du Parti révolutionnaire. Et ce livre-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ces deux intellectuels qui semblaient avoir des atomes crochés au départ vont s'opposer sur cette vision du Parti révolutionnaire. Et étant donné que cette vision du Parti révolutionnaire va diviser le mouvement social-démocrate russe entre les majoritaires, les bolcheviks, et les minoritaires, les mencheviks, Trotsky, lui, va tenter pendant un certain temps d'essayer de rapprocher ces deux visions-là. Ouais. Il y aura une brouille, donc, une première brouille au cours d'un congrès politique en 1903 qui oppose bolcheviks et mencheviks. Mais sur le fond, vous l'abordez déjà un peu, c'est la vision que les deux hommes ont de la révolution et de la manière de faire la révolution sur laquelle, vraiment, il y a une opposition de fond. Parlons peut-être de ce livre que va écrire en 1906 Trotsky. Tout repose là-dessus, là. Sa fameuse théorie de la révolution de permanente. La révolution permanente, oui. Ça l'éloigne de Lénine encore plus. Ça l'éloigne encore plus. Mais sauf qu'avant d'arriver à la révolution permanente, il faut dire qu'il retourne en Russie en 1905, parce qu'en 1905, évidemment, il y a le fameux Dimanche rouge, où des manifestants pacifistes se rendent déposer une pétition au tsar Nicolas II, qui est absent. La garde impériale tire des manifestants. Il y a plusieurs centaines de morts. Ça enclenche un mouvement révolutionnaire qui va secouer tout le pays. Trotsky revient au pays, revient en Russie pendant l'été 1905. Il va se distinguer en tant que leader des conseils ouvriers de Saint-Pétersbourg, qui va devenir Petrograd en 1914. Et il va développer une espèce de théorie des conseils. Sauf que la révolution de 1905 échouera encore une fois. Et il sera arrêté, jugé, condamné à 25 ans de réclusion en Sibérie. Sauf qu'il va... il ne rentre pas en Sibérie. Il va se sauver entre-temps. Et là, il va aboutir éventuellement à Paris. Mais dès 1906-1907, il va échafauder ce que vous appelez la révolution permanente. C'est que pour lui, la révolution est possible en Russie si et seulement si elle s'étend au reste de l'Europe. Parce que pour lui, la Russie est un pays économiquement et socialement arriéré. Et pour que la révolution triomphe en Russie, il faut absolument qu'elle se propage à l'Allemagne, éventuellement à la France et à la Grande-Bretagne. Pour lui, c'est la seule... Et elle doit venir de la base, cette révolution. C'est-à-dire qu'elle doit venir de prolétariat associé avec la paysannerie. D'où sa dissension avec Lénine. Avec Lénine, qui voit le parti comme l'avant-garde du prolétariat. Pour Lénine, le parti, c'est-à-dire les intellectuels, doivent diriger le mouvement. Ouais. Pourquoi? Parce que Lénine l'avait dit, les ouvriers laissés à eux-mêmes ne peuvent développer qu'une conscience syndicaliste très unioniste. Donc, il ne faisait pas confiance aux ouvriers. Alors que Trotsky, lui, avait une espèce de vision un peu, si vous voulez, idéaliste et un peu à la rigueur naïve. Donc, 1905, le mouvement s'éteint, mais pas complètement. Et donc, on sait bien ce qui va se passer. 1917, le mouvement de révolution reprend en février 1917. Et ça pousse Trotsky à revenir à nouveau en Russie. Expulsé de France en septembre 1916, c'est à New York que lui parvient la nouvelle de la révolution russe de février 17. Sans hésiter, Trotsky repart dans une Russie où le tsar a abdiqué sous la pression d'un peuple qui ne supporte plus le conflit qui s'éternise. Et renonçant à ses désaccords avec Lénine, il se rallie à lui pour combattre le gouvernement provisoire de Kerensky et conduire la révolution prolétarienne. Trotsky devient bolchevique. Trotsky n'était pas un vieux bolchevique. Ça, c'est un premier point qui est très très important, n'est-ce pas ? Il s'est rallié au mouvement bolchevique et à Lénine au moment de la révolution. Il a joué un rôle extraordinaire dans des secteurs absolument décisifs de l'insurrection et bien sûr après dans la construction de l'armée rouge. Mais initialement, il ne faisait pas partie. Il ne faut jamais oublier ça. Extrait du film documentaire Trotsky, réalisé par Alain Dugrand et Patrick Legal en 1983. Vous entendiez dans cet extrait l'écrivain David Rousset qui nous rappelait que Trotsky, au départ, n'est pas bolchevique. Qu'est-ce qui fait qu'il se rallie finalement à Lénine, André Champagne? Parce qu'il comprend, il revient en Russie le 20 mai 1917 et il comprend que le parti qui a le vent dans les voiles, le parti qui vraiment saisit bien la dynamique qui est en train de se développer, c'est le parti bolchevique et à sa tête tête Lénine. Pourquoi? Parce que Lénine, tout simplement, a compris que la seule façon d'arriver au pouvoir, c'est d'ajuster le programme du Parti bolchevique aux aspirations de la population. Les paysans demandent la terre, on leur promet la terre. Les ouvriers veulent l'occupation des usines et la gestion des usines, on leur promet. Les nationalités veulent l'indépendance, on leur promet. Alors, c'est clair que la bonne stratégie, c'est la stratégie de Lénine. Alors, il se joint à lui, il va jouer un rôle extrêmement important. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui, Lénine va lui demander de diriger le comité militaire révolutionnaire qui va faire le coup d'État dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917. Et de fait, il sera très, très important, Trotsky, dans ce coup d'État-là, mais il va être important dans les années qui suivent durant cette fameuse guerre civile. On écoute à ce propos Alain Decaux, qui nous parle justement de l'importance cruciale qu'il aura dans cette aventure de la Révolution. Extrait de l'émission Alain Decaux raconte la mort de Léon Trotsky, diffusée en 1973. Au mois de mai 1917, Trotsky arrive à Saint-Pétersbourg. Au mois de juillet, Trotsky va adhérer au parti bolchevique avec ses amis et en octobre, il est au premier rang. Et Lénine sait à quel point Trotsky compte dans cette révolution. Il exerce au lendemain de la révolution un pouvoir immense. Il semblerait qu'il puisse tout obtenir. Il couche dans le palais des tsars, mais on fera de lui un commissaire du peuple aux affaires étrangères d'abord et un peu plus tard, un commissaire du peuple à la guerre. Et c'est là qu'il va donner sa mesure. C'est là que, pendant 2 ans et demi, sillonnant la Russie dans son fameux train blindé, il est partout à la fois. Chaque fois que, dans la guerre civile, blanc contre rouge, chaque fois qu'il y a un point qui est menacé, eh bien voilà Trotsky qui arrive. Et tout à coup, il galvanise les hommes, le commandement, les soldats, le peuple. Et il gagne. Et il gagne toujours. On peut dire qu'il est l'un des premiers fondateurs de l'armée rouge. Il aura une importance cruciale dans cette aventure de la Révolution, André Champagne. Et c'est là qu'on voit vraiment son intelligence stratégique. Il comprend une chose. Cette armée-là, c'est une armée de paysans, c'est une armée d'ouvriers. Mais elle a besoin d'officiels, elle a besoin de généraux. Les seuls disponibles sont les officiers et les généraux de l'armée tsariste. Alors, il les incite à se mettre au service de la Révolution bolchevique. Mais pour s'assurer leur loyauté, il prend leur famille en otage. Il leur fait comprendre, si vous trahissez, nous fusillerons votre famille et vous par le fait même. Donc, il sait aller chercher les compétences. Et aussi, il a compris une chose. C'est que ce qu'il fait comprendre à Lénine puis au mouvement bolchevique, c'est qu'il faut également que la guerre soit aussi une guerre de propagande. Il faut faire comprendre aux paysans, faire comprendre aux ouvriers que si les armées blanches, les armées réactionnaires remportent la guerre civile, évidemment, toutes leurs aspirations vont s'effondrer. Alors donc, c'est une guerre à la fois sur le plan militaire, mais c'est une guerre également de propagande. Dans son fameux train blindé, il y a une imprimerie, il y a une radio et on diffuse le message bolchevique. Et ont fait comprendre aux masses russes l'importance d'appuyer les bolcheviks. C'est vraiment, c'est un idéologue doctrinaire à la méthode forte. Pour lui, rien ne doit être épargné au nom de la Révolution. Il est prêt à aller à tout faire. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire là parce que ça éclaire le personnage qu'est Trotsky. Parce que Trotsky, ce n'est pas un ange. Écoutez ceci. Trotsky, évidemment, a dirigé l'armée rouge avec une main de fer. Mais Trotsky, une fois la guerre civile terminée, a proposé dans un livre intitulé « Terrorisme et communisme » sa vision de ce que devait être l'économie et la société soviétique. Alors, il a parlé de la militarisation du travail et je cite. Alors, il préconise l'introduction d'un régime. Et là, c'est Trotsky qui parle. Où chaque ouvrier se sentira un soldat du travail, dépourvu du droit de disposer librement de lui-même. Ayant reçu un ordre, il devra l'exécuter. S'il ne l'exécute pas, il sera un déserteur que l'on doit châtier. On dit que le travail forcé n'est pas productif. Si cela est vrai, c'est toute l'économie socialiste qui est condamnée, car il ne peut exister d'autre voie menant au socialisme que la répartition forcée par un centre économique de toute la force du travail du pays. La répartition de cette force conformément aux besoins du plan économique de l'État dans son ensemble. Si cette force organisée et répartie par la contrainte n'est pas productive, alors vous mettrez une croix sur le socialisme. On croirait entendre Staline. Exactement. Et c'est la pensée de Trotsky. Tout est bon au nom de la Révolution. Exactement. D'ailleurs, il sera... La fin justifie les moyens. La révolte des marins de Kronstadt, ça va être aussi épouvantable. Épouvantable, parce que les marins de Kronstadt, c'est eux qui avaient permis aux bolcheviks de s'emparer du palais d'hiver dans la nuit du 6 au 7 novembre. Sauf que les marins de Kronstadt, qui était favorable à une république des conseils, voit très bien qu'entre le coup d'État d'octobre 17 et la fin de la guerre civile en 1921, les bolcheviks ont tout simplement instauré un régime dictatorial, ne supportent pas l'opposition, ont pris le contrôle d'information et surtout ont interdit les partis d'opposition. Alors, ils s'insurgent contre ce monopole qu'exercent les bolcheviks au pouvoir. Sauf que les marins de Kronstadt risquent de faire que leur mouvement d'opposition fasse tache d'huile. Alors, pour Lénine et pour Trotsky, il est impératif de les écraser. Alors, quelle sera la méthode? On va les écraser manu militari. La forteresse de Kronstadt, qui est devant la ville de Leningrad, sera tout simplement attaquée par l'armée rouge. On parle de 2000 à 3000 marins de Kronstadt fusillés. Ça va être une répression incroyable. Et Trotsky, jusqu'à la fin, justifiera la force utilisée à Kronstadt. Ouais. Malgré tout ça, malgré cette détermination, son rôle crucial dans cette aventure de la Révolution aux côtés de Lénine, à la mort de Lénine, il va perdre ce duel qu'il oppose à Staline pour la succession de Lénine. Pourquoi? Donc, Staline va carrément le chasser de Russie. On écoute Hélène Carrère-Dancausse s'expliquer le contexte de cette défaite et de l'exil de Trotsky à l'émission Le Journal d'un siècle, diffusée à Antenne 2 en décembre 1985. Oui, je crois qu'il faut commencer par le plan quinquennal, car cela explique beaucoup de choses. Ce plan quinquennal qui est véritablement lancé officiellement en 1929, puisque c'est la 16e conférence du parti qui le rend officiel, a été en fait étudié en 1927 et mis en œuvre dès 1928. Et ce plan quinquennal, c'était le programme. C'est la rupture avec la NEP, la rupture avec les forces Lénine, capitalistes, exactement. Et c'était le programme de Trotsky. C'était le programme que souhaitaient mettre en œuvre Trotsky et ses amis. Et pour Staline, à l'heure où il adopte le programme de ses adversaires, il est absolument impossible d'avoir ses adversaires chez lui. Sinon, alors, il faut leur rendre le pouvoir. Et sa chance a été que beaucoup de compagnons de Trotsky, le voyant changer de politique, passer de ce qu'ils appelaient la droite à la gauche, après s'être opposé à lui, quitte Trotsky et ont supplié Trotsky toute l'année 28 de rompre avec son attitude d'hostilité. Et Trotsky est chassé du parti tout de même dès 1927, il a jamais exilé à Malta. Ils se haïssent depuis le début et Trotsky tient Staline pour un sombre crétin. Il dit toujours « cet homme aux yeux jaunes est un imbécile ». Néanmoins, il est exilé à Alma-Ata et il est pratiquement le dernier à maintenir une opposition car il est convaincu que Staline n'est qu'un opportuniste. Et conserver cet homme qui a encore une grande autorité sur le territoire soviétique n'est pas possible. Et Staline obtient du parti l'autorisation de le chasser. Qu'est-ce qui fait que Staline chasse Trotsky? C'est que Trotsky, comme j'ai dit tantôt, estimait que la succession de Lénine lui revenait. Il avait un tempérament arrogant, il était suffisant, il faisait toujours bande à part. Et il n'a pas su comprendre comment le parti et la fonction publique s'imbriquaient. Il n'a pas compris que Staline, en étant au contrôle des nominations, s'était constitué une clientèle. Et aussi, ce qu'il n'a pas compris, c'est que il a à quelques occasions critiqué les vieux compagnons de Lénine, notamment Kameniev et Zinoviev, qui ont formé un triumvirat avec Staline pour l'écarter. Il n'a plus le choix, Staline, de l'écarter, parce exactement. Que c'est une menace. C'est une menace, d'autant plus qu'il le méprise ouvertement. Ouais. Et comme Mme Carrère-Dancausse l'a dit, ils ont la même vision de ce que doit être l'avenir économique du pays, mais c'est tout simplement, c'est une bataille entre deux titans de la politique. Ouais. Et puis, c'est le plus machiavélique qui l'a emporté. On peut pas s'empêcher, avec le recul quand même, André Champagne, de se poser la question, et si Trotsky avait gagné cette bataille contre Staline? C'est la grande question, et vous faites bien de la poser. Ça n'aurait pas changé grand-chose à la collectivisation, au plan quinquennal, la collectivisation puis l'industrialisation accélérée. Probablement que la collectivisation se serait fait manu militari. Il y aurait eu probablement des millions de morts. Il y aurait probablement eu les camps. Mais Trotsky n'avait pas le côté paranoïaque de Staline. Il n'avait pas le côté un peu démentiel de Staline. Donc, on peut imaginer qu'avec Trotsky aux commandes, il n'y aurait probablement pas eu les procès de Moscou, il n'y aurait pas eu les purges, et il n'y aurait pas eu la Grande Terreur. Mais la société soviétique aurait subi la même médecine de cheval, c'est-à-dire la collectivisation de l'agriculture, l'industrialisation accélérée. Et probablement que Trotsky aurait pu également déclencher une guerre contre l'Allemagne avant que les Allemands les attaquent en 1941. Il est chassé de Russie, Trotsky, on y revient en 1929. Il part en exil, ce sera quoi, une dizaine d'années d'exil? Comment il va vivre ces années d'exil? Alors, il vit dans un premier temps, il est expulsé vers la Turquie. Il va vivre en Turquie jusqu'en 1935. En 1935, on lui accorde l'asile politique en France. Il va rester en France à peu près 18 mois. De là, il va passer en Norvège et de la Norvège, il se rendra au Mexique. Il va être accueilli par le président Cárdenas, qui était ami avec le peintre Diego Rivera. Oui. Et malgré cet accueil du gouvernement mexicain, les sbires de Staline, les tueurs de la GPU, l'ancien du KGB, sont après lui. Et il y aura une première tentative d'assassinat au début 1940 qui va rater. Et puis il y en aura une deuxième. Pourquoi? Parce que Trotsky publiait ce qu'on appelait le bulletin d'opposition, mm-hmm. dans lequel il dénonçait tout ce que faisait Staline. Et il discréditait considérablement, non pas le régime soviétique, mais Staline. Ouais. Alors pour Staline, Trotsky était un ennemi à abattre et c'est exactement ce qui va arriver. Il sera assassiné le 20 août 1940 par Simone Mercader, qui est un agent du GPU, qui était titulaire d'un passeport canadien qui portait le nom de Jackson. Il va tout simplement enfoncer un pic à glace dans la tête de Trotsky, qui mourra quelques jours plus tard. Ouais. Mercader sera condamné à 20 ans de prison. Il sortira de prison en 1960. Il se rendra à Cuba et de Cuba, il se rendra en URSS. Et en URSS, on lui décernera le titre de héros de l'Union soviétique. C'est tout le titre qu'il détient encore aujourd'hui. Ouais. Dernière question. Aujourd'hui, ils en sont où, les Russes, avec Trotsky? En 1988, Mikhail Gorbatchev a autorisé la population, les historiens, la population russe à lire sur Trotsky. Les historiens peuvent parler à nouveau de Trotsky. Il y a eu un certain intérêt jusqu'à la chute du régime. Et puis, ça s'est un peu tassé au cours des années 90. Certaines biographies ont été publiées. Mais aujourd'hui, étant donné que l'histoire qui est enseignée, c'est la version poutinienne de l'histoire. Ouais. Disons que il ne suscite pas vraiment l'intérêt parce que tout est encore centré sur le personnage de Staline, mmh. sur le personnage de Lénine. Et de vous à moi, chez les Russes, il y a comme un désintérêt pour l'histoire pour des raisons assez évidentes. La preuve, cette année, en 2000, le centenaire de la Révolution russe, le gouvernement russe n'a rien fait pour commémorer le 100e anniversaire de la Révolution. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Christian Côté et Philippe Couture, à la technique aujourd'hui Pierre Lévesque. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.